Coco Chocho, c'est moi. Picho R9. Banks. Top boy comme à New York. Top boy comme à Londres. Top boy comme à New York. Les négros à Londres. Top boy comme à New York. Top boy comme à Londres. Amérique comme à New York. Libérer mes négros à Londres. French bleu qu'on est dehors. Pour y creuser ta tombe. Dans lequel je posais sa compte. Remercie le seigneur dès que ça tombe. Équipe Kiki, Kiki, Kiki. Gros billet dans mon tickets. Bitches, bitches. Dans la caille je fais des bêtises. Pas des négros qui utilisent des sottises. Demande à Gazo. Les bonbons sont remplis de cocaïne. Bow. 1-0, 2-0, 3-0, tu peux mourir, tout le monde connaît mon réseau. C'est la cahier, un pack de balles dans le mur comme un graffiti. On m'a fait buter par un petit déter de la taille à Mimi Mati. Row, away, Bastel, Singer, Webay, Calibre, chercheur, bye bye. Personne voulait m'aider quand j'étais seul dans la caille. My name, ça fait pop pop, tous les ennemis sont dans la sauce. Les derniers me connaissent que les chocs que j'ai acheté, je dois faire une pause. Millimètre près, j'arrose. Comme à New York, top boy comme à Londres, Amérique comme à New York, libérer mes négros à Londres, French bleu qu'on est dehors, pour y creuser ta tombe, dans lequel je posais sa compte, remercie le seigneur dès que ça tombe, équipe Corleone, G2, équipe au-dessus, B2, concu, P2, avancé qui est de T2, 6-7, CMF, équipe. Black Mafia, BMF, il faut des milliards comme la GMF, SO18, SO la cahier. Depuis j'ai rempli Vlad Caillé. Pour mes négros faut Vlad agrailler. Tu peux mourir, TPM. Ils sont obsolètes comme BBM. Scam, VPN. Négro t'es dépassé. Tu vas finir comme MC Hammer. Faut que je fasse rentrer plus de cash dans la N26 que 10 scammer. Équipe Big Drip comme Sivio Foreign. Inch'Allah 20-30 Dakar comme Pakistan avec 10 grosses foraines. Boys comme à New York, top boy comme à Londres, Amérique comme à New York, libérer mes négros à Londres, French bleu qu'on est dehors, pour y creuser ta tombe, dans lequel je posais sa compte, remercie le seigneur dès que ça tombe, équipe.